Section 20. Chapitre 20. Le lendemain, les choses s'arrangèrent comme Georges les avait disposées. Dès 7 heures, le bourguignon arriva devant la crique, car pour remonter jusqu'à la Roche-Bernard, il fallait profiter de la marée, et Narbanton avait demandé qu'on fût prêt à s'embarquer à l'heure convenue. Naturellement, Georges avait été le premier à affirmer qu'il ne serait pas en retard. Il avait grande envie de faire cette excursion, et malgré son peu de disposition à se lever matin, il saurait sacrifier son sommeil à son plaisir. Cependant, à 7h10, il n'était pas encore descendu, et l'on n'entendait pas de bruit dans sa chambre. « Georges sera endormi, » dit Charlotte. « Je vais l'envoyer éveiller. » « Il est comme toujours en retard, » dit monsieur de la Héraudière. Presque aussitôt, la domestique, qui avait été frappée à la porte de l'avocat, revint dire que monsieur Georges était souffrant et qu'il priait qu'on partît sans lui. « Si Georges est malade, » dit Charlotte, « nous ne pouvons pas partir. Il faut rester pour le soigner. » « Je vais aller le voir, » dit monsieur de la Héraudière. Mais, au même moment, Georges parut, traînant la jambe et portant la tête penchée sur l'épaule. « Je vous remercie de votre bonne parole, ma chère cousine, » dit-il, en tendant la main à Charlotte. « Mais je n'accepte pas que vous vous priviez de votre promenade pour moi. »« Si vous êtes malade, » dit-elle vivement. « Malade, non, assurément, un peu souffrant seulement. »« Cependant... »« Ai-je l'air malade ?» demanda Georges, en s'adressant à son oncle. « Ma foi, non, » répondit celui-ci, qui n'aimait pas à jouer la comédie et qui était heureux de pouvoir dire la vérité. « Vous voyez bien, » poursuivit Georges, « que je n'ai pas besoin qu'on me soigne. Un peu de repos me guérira. À vrai dire, même, si la mer était aujourd'hui ce qu'elle était hier, je n'hésiterais pas à m'embarquer, car, en restant étendu, je ne me fatiguerais pas. Mais le temps s'annonce mal, le baromètre a baissé, n'est-ce pas, mon oncle ? Il a monté cette nuit de 5 mm, il est à 779. Répondit monsieur de la Héraudière, incapable de mentir. « N'est-ce pas beau temps ? » demanda Charlotte. « C'est beau fixe, » répondit monsieur de la Héraudière. « Vous savez mieux que moi, mon oncle, que quand le baromètre monte trop vite, c'est mauvais signe. Je vous l'ai entendu dire 100 fois. Enfin, quoi qu'il en soit, je n'ose pas m'aventurer, et je vous demande à rester. C'est presque ma liberté que je réclame. » Ce mot fut lancé du côté de monsieur de la Héraudière et souligné par le geste d'une façon discrète, mais assez accusée cependant pour ne pas passer inaperçu, alors surtout que la personne à laquelle il s'adressait était prévenue. « N'insistons pas, » dit monsieur de la Héraudière, « laisse-le faire à son gré, ne le gênons en rien, ni par nos observations, ni par notre présence. « Je vous remercie, mon oncle, vous me donnez toute facilité pour me soigner et, je l'espère, me guérir. » Charlotte écoutait avec surprise, ne sachant trop ce que tout cela voulait dire. « Ne faisons pas attendre Narbanton davantage, » dit monsieur de la Héraudière, qui avait hâte de mettre fin à cette scène pour lui douloureuse. « Au revoir, mon oncle, » dit Georges. Puis, tendant la main à Charlotte, « Au revoir, ma chère petite cousine, au revoir. Nous ne nous séparons pas pour toujours. » La barque, depuis assez longtemps déjà, attendait ses passagers. Monsieur de la Héraudière, marchant le premier, descendit vers le rivage, suivi de Charlotte, et bientôt Georges, de la fenêtre où il était accoudé, les vit monter à bord du bourguignon. « C'est égal, » dit-il, « elle était charmante. Heureux ceux qui naissent avec 100 000 francs de rente. » Le yacht venait de virer de bord et de mettre le cap du côté de l'est. « Allons, » dit Georges, en regardant le sillage blanc que le navire laissait derrière lui sur la mer bleue. « Ils sont maintenant en route. Ils ne reviendront que ce soir, bien certainement. Cependant, il vaut mieux se dépêcher. Cette situation est plus pénible que je ne croyais. » Il regarda la pendule. Elle marquait 7h30. Alors, il monta à sa chambre. Il ne traînait plus la jambe et ne marchait plus la tête basse. Mais son visage n'avait pas repris l'expression souriante qui, d'ordinaire, faisait cligner ses yeux et entr'ouvrait ses lèvres. Évidemment, une préoccupation pesait sur lui. D'un brusque mouvement, il prit tous les vêtements qui étaient accrochés dans une armoire et les jeta sur son lit. Puis, ayant atteint sa malle, il les arrangea dedans avec son linge et les différents objets qui servaient à sa toilette. Cela fut vivement fait. Alors il alla s'asseoir devant un bureau sur lequel se trouvaient un encrier et des plumes. Il paraissait parfaitement résolu, et même dans tous ses mouvements, il y avait une certaine brutalité, comme s'il obéissait à une colère contenue. Vivement, il trempa sa plume dans l'encrier, mais au moment de l'appuyer sur le papier qu'il avait placé devant lui, il s'arrêta et se prit la tête entre les deux mains. « La chose est vraiment embarrassante, » murmura-t-il. Dans un entretien, un mot corrige l'autre, mais une lettre se relie, sans compter qu'elle se lit aussi entre les lignes. Qu'est-ce que je dirais bien ? Il resta ainsi longtemps, puis tout à coup, posant sa main sur le papier, « Si je commençais par la lettre à mon oncle, dit-il, ça me donnerait la note juste. Ma foi, oui. Une fois que je serai dans la situation, ça viendra tout seul. Le tout est de s'y mettre. » Il écrivit, « Mon cher oncle, il me faut faire un grand effort pour me décider à vous écrire. Rien n'est plus vrai, pensa-t-il, je n'y vais pas gaiement. Mais la gravité de la situation exige tous les sacrifices et commande tous les courages. Ça n'est pas trop mal. Maintenant que l'attention est provoquée, on peut frapper le grand coup. Ce n'est pas pour mon oncle que j'écris, c'est pour Charlotte. Pendant plus de 6 années, le but de tous mes efforts et de toutes mes espérances a été de devenir votre gendre. Il y a du vrai là-dedans. Mais aujourd'hui, je vois... C'est un peu sec. Je vois avec douleur que ce désir ne pourrait se réaliser qu'au prix de mes convictions les plus chères. Car pour vous faire revenir des préventions que vous nourrissez à mon endroit, ce ne serait pas trop de l'abandon absolu de mes idées et de ma foi. Un mariage conclu dans de pareilles conditions pourrait-il être heureux ? Non, sans aucun doute, et ce serait un crime de tenter cette épreuve. Les mots désagréables sont assez étroitement évités, il me semble. Maintenant, concluons. Cette conviction, corroborée par le séjour que je viens de faire auprès de vous, séjour pendant lequel j'ai eu tant d'occasions d'apprécier vos sentiments, me trace mon devoir. Je ne peux que renoncer à vous demander l'exécution du projet qui avait été conçu par ma chère et bien-aimée tante. Je me retire donc, et pour nous éviter à tous deux les embarras et les chagrins d'une explication de vive voix, je pars pour Paris à l'instant même. J'aurais été l'homme le plus heureux du monde si j'avais pu prendre, dans votre cœur, la place d'un fils. Mais n'être pour vous qu'un gendre que vous n'estimeriez pas, c'est ce à quoi je ne peux pas me résigner. Voilà une phrase qui m'a déjà servi, se dit-il, mais Charlotte ne la connaît pas, et elle fera son effet sur elle. Il plia la lettre, puis il la mit dans une enveloppe sur laquelle il écrivit le nom de son oncle. Maintenant, se dit-il à l'autre, et ne laissons pas refroidir. Quel malheur que je n'ai pas l'accord de lacrymale, au moins tâchons d'être tendres. Il s'arrêta et réfléchit un moment. Si je suis trop tendre, il n'y aura rien de décidé et ce sera à recommencer. C'est une opération après tout, et les bonnes opérations sont celles qui se font vivement et franchement. Le chirurgien qui fait le moins souffrir est précisément celui qui n'est pas retenu par la peur de faire souffrir. Ma chère Charlotte, si je commence ainsi, je ne finirai jamais, pas de sensiblerie. Ayant froissé la feuille de papier sur laquelle il avait écrit ces 3 mots, il en prit une autre. Depuis que je suis à la crique, vous avez dû vous demander 20 fois par jour pourquoi je n'abordais pas avec mon oncle la question de notre mariage. Et ne me voyant pas le faire, vous avez assurément compris la raison qui me fermait la bouche. C'est cela, se dit-il, en s'arrêtant pour mettre des virgules et des points sur les i. Ce tour est assez adroit. Supposer que les gens ont deviné nos intentions, c'est dire qu'elles avaient pour elles la probabilité. D'ailleurs, Charlotte doit bien s'attendre à quelque chose. En effet, si j'avais pu accepter ce mariage malgré l'hostilité de mon oncle, je ne serais pas resté ainsi dans l'indécision. Mes sentiments que vous connaissez vous sont un garant que je me serais hâté, au contraire, d'aborder cette question et de la faire décider dans le sens de mes désirs. Voilà un mot qui l'empêchera de montrer cette lettre. Une femme ne convient jamais qu'elle a désiré un mariage qui a raté. Quelle joie c'eût été pour moi de... quoi ? Surchargeons le « de » assez adroitement pour en faire 2 points d'exclamation. Ça m'économisera une phrase difficile. Quelle joie c'eût été pour moi ! Laissez-moi dire quel bonheur c'eût été pour nous, mais tous ces rêves que nous avons faits autrefois, toutes ces espérances s'évanouissent, hélas, devant la cruelle réalité. Alors même que votre père aurait consenti à notre mariage, ce qui n'est guère croyable, le bonheur eût été impossible pour nous. Ça, c'est assez blessant pour elle, insistons un peu. Le bonheur, en effet, n'est possible que quand dans une famille entière règne un accord parfait, une paix absolue, une communauté d'idées et de sentiments. Et cet accord, cette paix, cette communauté n'eût jamais pu s'établir entre votre père et moi. Vous le savez, vous l'avez vu pendant les quelques semaines que je viens de passer sous ce toit que je vais quitter, et je n'ai pas besoin d'insister sur ce triste sujet. Si je pouvais lui dire que son père n'est qu'un vieux crouton dur à avaler et impossible à digérer, ça donnerait de la force à mon raisonnement. mais c'est son père, et d'un autre côté c'est mon oncle. Et glissons, et maintenant tournons court. Adieu, chère Charlotte, car je ne me sens pas la force de vous revoir. Si au lieu de vous écrire ces terribles paroles, j'avais voulu vous les adresser de vive voix, jamais je n'aurais eu le courage d'aller jusqu'au bout, et avant d'avoir fini, je serais tombée à vos genoux. » Il se leva vivement et se mit à marcher par la chambre à grands pas. « Un mot de plus, se dit-il, et je m'emballe. Assez comme ça. Et même, n'ai-je pas été trop tendre ?» Il se relut. « Non, ça peut aller, c'est tendre, mais le commencement était trop sec. Ça se suivait, et une lettre d'amour doit être incohérente, dit-on. Cette fin arrive à propos. J'en dis assez pour prouver que notre mariage est impossible, et en même temps je laisse une porte ouverte pour plus tard. Qui sait ce qui peut arriver ? Elle est charmante. Encore un mot. Nous nous retrouverons plus tard, dans quelques mois, et vous verrez alors que mes sentiments n'ont jamais changé. La fatalité peut séparer nos deux existences, mais nos cœurs resteront à jamais unis. Et Narbanton, que j'oubliais. Encore un mot, le dernier. Soyez heureuse avec celui qui aura le bonheur de devenir votre mari. C'est le vœu sincère d'un malheureux, c'est le souhait ardent de votre ami quand même. Georges Safarel. Il relut sa lettre une fois encore. Il n'y avait pas autre chose à dire. Sans doute c'est raide, mais après tout c'est pour son bonheur. Et le mien, sans compter celui de Narbanton. S'ils ne m'en sont pas reconnaissants, ils seront bien difficiles. En tout cas, je crois qu'en attendant, je puis me féliciter moi-même. Voilà une affaire bâclée et j'en sors à mon avantage. Tout le monde satisfait, que demander de plus ? Fin de la section 20.